Les comités préparatoires thaïlandais et koweïtiens pour célébrer la journée de la brillante étoile viennent d'être constitués. Les comités préparatoires ont décidé d'organiser diverses cérémonies politico-culturelles comme rassemblements, séminaires et séances de films pour exalter la vie révolutionnaire sacrée et les exploits mortels du général Kim Jong-il à l'occasion de la journée de la brillante étoile. Par ailleurs, le comité préparatoire pour célébrer la journée de la brillante étoile est aussi constitué le 20 courant à Madrid, Espagne.